Elles font l'amour sur ses chansons. Elles font l'amour sur ses chansons. Elles font l'amour sur ses chansons. Elles font l'amour sur ses chansons. Mais jamais avec lui. Jamais avec lui. Jamais avec lui. Jamais avec lui. Elles font l'amour sur ses chansons. Elles font l'amour sur ses chansons. Elles font l'amour sur ses chansons. Elles font l'amour sur ses chansons. Mais avec d'autres garçons. Avec d'autres garçons. Avec d'autres garçons. Avec d'autres garçons.